Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr en lundi et en direct. Ça c'est pour le 94 MHz si vous écoutez le Herzien ou à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Et je propose d'attaquer cette émission avec un petit détour en forme de veillée funèbre par l'Érythrée, l'Éthiopie, et c'est à l'occasion de la disparition qu'on vient tout juste d'apprendre aujourd'hui 4 avril du fameux saxophoniste qui avait joué aux côtés de Ziex, Getachew Mekuria, 81 ans. Il avait commencé dans l'orchestre municipal d'Addis Abeba. Il avait fait partie de pas mal d'orchestres, notamment le Haile Selassie Orchestra, et le fameux label Buda Music l'avait redécouvert au début des années 80 avec la réédition de son album Negus of Ethiopian Sax qui datait de 1972. Ça c'était donc une réédition qui était parue au début des années 2000, à peu près au même moment où il avait commencé à jouer aux côtés du combo Batav Ziex. Ils avaient fait 2 albums ensemble, notamment Ziex l'avait accompagné sur son disque Moa Ambessa. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir sur scène. Et bah, je vous propose d'attaquer non pas avec la musique de Getachew Mekuria, mais avec Ziex et Fandika, parce que alors je ne sais pas si c'est la magie des ondes ou des ondes un peu chamanes. J'avais prévu d'attaquer ce soir l'émission avec le 45 tours publié l'an dernier par le combo Batav en compagnie de l'orchestre d'Addis Abeba Fandika, un 45 tours que je ne vous avais pas proposé jusqu'à présent. Et donc bah, il arrive un peu à point nommé pour rendre hommage au grand saxophoniste Getachew Mekuria. Je propose d'attaquer avec le Addis Hum en hommage à Getachew par Ziex et Fandika. C'est vrai qu'on se croyait presque dans les souks d'Addis Abeba avec cette séquence qui démarrait l'asile le plus sûr de cette semaine. À l'instant, il s'agissait de Yanis Kyriakides avec un extrait de son tout nouvel album qui s'intitule Lunch Music. Alors, c'est pas vraiment de la musique pour festoyer, c'est plutôt un disque autour du Naked Lunch de Monsieur Burroughs. C'était aussi un spectacle de danse avec de la musique, du théâtre et aussi différents participants qui aux percussions, qui à la voix et les laptops et composition déstructurée de monsieur Yanis Kyriakides, dont on parle pas très souvent et pas assez souvent je trouve, qui est un compositeur né à Chypre qui a émigré au Royaume-Uni et qui se trouve présentement aux Pays-Bas. Il est collaborateur notamment de monsieur Andy Moore de ZX, avec lequel il collabore notamment pour son label Unsounds. Ils ont fait plusieurs disques ensemble. Il a sorti aussi des choses aux côtés de Lucio Capecce et des disques sous son propre nom. Voilà donc un duo assez prolifique aux côtés d'Andy Moore et des compositions assez étonnantes, parfois aussi des manières de revisiter la musique grecque façon Rebetika. Donc le disque s'intitule Lunch Music. Là, c'était le titre Check-in. Il y a des titres vocaux assez étonnants. Alors, on ne sait pas trop dans quel univers on se place. Je pense que le spectacle devait être assez incroyable également avec la danse et la scénographie. Donc, c'est un CD qui vient tout juste de paraître sous étiquette Unsounds, label que co-dirige M. Andy Moore de ZX, qu'on entendait juste avant aux côtés de Fendika. Donc, Fendika qui est un combo qui avait tourné aux côtés de ZX, ou qui tourne assez régulièrement, plus exactement aux côtés de ZX, et qui mélange pas mal d'instruments traditionnels de l'Éthiopie, notamment je pense au kobero, qui est une sorte de luth éthiopien, ou encore le masinko, qui est un tambour assez traditionnel. Il y a aussi de la danse et la voix de Nardos Terfao sur ce 45 tours de ZX en compagnie de Fendika, qui était sorti au printemps de l'année 2015, donc il y a tout juste un an, en avril de l'année dernière. Mais voilà, un disque plutôt très très bon. Là, c'était la face B sous le titre Addis Hum, et c'était aussi l'occasion pour nous de rendre un dernier hommage à monsieur Getachew Mekuria, le saxophoniste bien connu de la scène éthiopienne et qui avait collaboré aux côtés de ZX, qui a cassé sa pipe le week-end dernier. Donc on vient tout juste d'annoncer son décès, ce qui nous donnera aussi l'occasion bien évidemment de réécouter un peu toutes les traces discographiques de ce saxophoniste disparu à l'âge de 81 ans. On va continuer avec une autre nouveauté, et il va s'agir du nouvel album de Sheik Anorak sous le titre Let's Just Bullshit Our Way Through, qui est une nouvelle livraison. Je crois que c'est le troisième disque sous le nom de Sheik Anorak de monsieur Franck Garcia alias Franck Gaffer, qui s'occupe du label Gaffer Records, qui est basé à Lyon et qui produit sous ce nom une musique de pop un peu expérimentale, parfois à la voix et surtout à la guitare accompagnée de batterie. Il y a un côté un peu post-rock, un côté un peu free-rock aussi dans la musique de Sheik Anorak. On va pouvoir s'en rendre compte avec deux titres qui sont enchaînés sur ce nouvel album, et on débarre avec le titre From A to Z par Sheik Anorak. Thank you. Ça, c'est Cut, ce titre de Orchester 33 1 tiers, un vieux disque qui était paru dans les années 90. Alors, je crois que ça datait de la fin des années 90, que ce son drum and bass assez caractéristique de l'époque, de 1998, très exactement. Cet orchestre qui était mené par les Autrichiens Christoph Kurzmann et sa clarinette magique en compagnie de Christian Fenech. C'était juste avant qu'il sorte sa fameuse série de disques Venish et compagnie dans un registre beaucoup plus ambiante. À l'époque, il n'hésitait pas à jouer la guitare à la façon jazz un peu traditionnelle. Ça s'entendait sur ce titre. Il y avait pas mal de gens qui figuraient sur cet Orchester, album éponyme qui revoit le jour sur Trust Records en double vinyle avec des bonus, pas mal d'inédits et de live de cette époque. On retrouvait notamment dans cet orchestre Klaus Phillips au saxophone. Il y avait Peter Brotzmann aussi qui faisait une apparition. Ils étaient à peu près une tripotée de musiciens plutôt originaires d'Autriche, donc aux côtés de Christoph Kurzmann et de Christian Fenech, notamment Michael Moser, Klaus Phillips, Thomas Berghammer à la trompette et donc des invités tels que Axel Dörner ou encore Franz Hunsinger pour les trompettes au microton, au quart de ton près, et Brotzmann donc sur une longue pièce donc de cet enregistrement de l'Orchester 33 1 tiers. Et ce disque était d'ailleurs dédié à l'époque à Michael Mantler, à son grand orchestre de l'époque, le Jazz Composers Orchestra, ainsi qu'à Pharoah Sanders. Et c'est vrai que ça a une sonorité un petit peu de cette époque. On pense aussi au Liberation Music Orchestra, par exemple, à l'écoute de pas mal des titres de ce Orchester 33 1 tiers, qui n'avait pas une discographie très très importante. Je crois qu'ils avaient sorti 3 disques, ou même 2 disques, voilà, à la fin des années 90 et année 2000. Il y avait aussi une cassette vidéo en VHS à l'époque où on sortait des choses sur ce format, et donc ça revoit le jour en double vinyle grâce au bon soin du label autrichien dédié aux musiques free européennes, Trust Records. Et juste avant, on écoutait la musique du Lyonnais Sheikh Anorak avec un tout nouvel album sous le titre Let's Just Bullshit Our Way Through. Et c'est plutôt pas mal, ce disque de Frank Gaffer qui sort comme toujours sur sa marque du même nom. Et donc on entendait 2 titres enchaînés. Alors j'aime un petit peu moins, pour tout vous dire, les titres vocaux, ce qui n'est pas très très étonnant. Je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose, peut-être un grain un peu à la Captain Beefheart dans la voix du guitariste Sheikh Anorak. On va continuer avec un groupe un peu de revenant, enfin en tout cas en ce qui me concerne, puisque c'est vrai que j'écoute un petit peu moins leur musique ces dernières années. Il s'agit des Legendary Pink Dots, le fameux combo de Monsieur Caspel et Silverman, qui a une actualité tout toujours aussi débordante. Ces derniers mois, à peu près comme toujours, une petite dizaine de productions entre les disques, les rééditions des Legendary Pink Dots de leurs différentes époques depuis le début des années 80, ou encore les disques de Monsieur Caspel en solo ou Silverman également qui n'est pas en reste. Notamment ces derniers mois, on a pu entendre The Seismic Blitz of Quantum Ship, ou encore la suite de 4 Days sous le titre 5 Days. Et les Pink Dots sortent donc à un rythme très très régulier des nouveaux albums un peu plus produits, un peu plus pop psychédélique comme ils savent le faire depuis les années 90, notamment depuis l'album The Maria Dimension. Et donc ils vont se fendre d'un nouvel opus dans ce registre d'ici quelques jours sous le titre Pages of Aquarius. Ça sort le 22 avril très exactement. C'est annoncé en double vinyle et en CD, et c'est le grand retour des Pink Dots un peu dans ce registre un peu post-crowd-rock revisité à la sauce Pink Dots, avec comme toujours les membres des Pink Dots actuels et futurs, puisqu'il y a des gens qui partent et qui reviennent. Je pense notamment au guitariste Eric Drost, le Hollandais qui les a rejoints et qui est reparti et qui est revenu. Et comme toujours, donc Edouard Caspel en compagnie de Phil Knight alias The Silverman et de Raymond Stig. Voilà, je vous propose d'écouter un extrait en preview, Pages of Aquarius par The Legendary Pink Dots. Mirror, mirror on the wall, really wish I had the balls to look you in the eye, but I turn, I propose that we wait until the morning. There's 1,000 things to fix and I'm feeling pretty sick. For the window. And mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Not you, you foolish dreams. You're in the last 500 for 99 of lies. Swatted mercilessly, died before they made it to the jam jar. This war is assist creations on my work. Oh, une séquence un tantinet gothique, industrielle, psychédélique sur Antenne du 94 MHz dans l'Asile Obscure, un peu en hommage au fameux groupe Denis Meg qui a bercé une partie de notre jeunesse. Je dois dire The Legendary Pink Dots, sans doute un peu moins connu pour les jeunes oreilles qui nous écoutent. Donc on a commencé avec un tout nouveau opus sous le titre Pages of Aquarius, avec la démesure des Pink Dots et le rotacisme de son leader charismatique et chanteur Edouard Caspel. Donc ça c'est pour le disque à venir dans une quinzaine de jours. Et on a enchaîné avec une compilation pas piquée des hannetons sous le titre Escape, A Collection of Songs Straight Out of the Asylum, qui est un disque enregistré par une quinzaine de formations de traverse hexagonale, mais pas que, qui est une initiative de monsieur Jeff Benesch, l'illustrateur et auteur du label Mecapop, qui sort cette excellente compilation CD avec quantité d'illustrations. Il a vraiment fait très très bien les choses, monsieur Benesch. Il y a un livret format livre avec des illustrations assez incroyables dans le registre un peu gothique industriel des Pink Dots. Et les 15 groupes qui s'y collent, ce sont des groupes qui se connaissent depuis les années 80 et qui officiaient aussi à l'époque des débuts des Pink Dots. Je pense notamment à Déficit des années antérieures, alias DDAA, le fameux groupe normand qui a démarré la séquence donc juste après les Pink Dots et qui était enchaîné avec Toupidec, Limonade, le groupe de mon camarade Denis Tagubu, avec la voix de Quet Apieu qui reprenait ce titre 15 Flies in the Marmalade de l'album des Pink Dots de 1985 Asylum, puisque donc c'est une compilation pour fêter les 30 ans de ce double album assez mythique des Pink Dots. Et la compilation est jouée le disque est vraiment joué in extenso et dans l'ordre des morceaux, mais repris de manière assez étonnante, puisqu'on y retrouve notamment dans ceux qui s'y collent les Belges Bene Gesserit. Il y a aussi Mamichan en compagnie d'Emiko Ota, le Non Finito Orchestra, qui est un des orchestres dans lequel se produit monsieur Benesch avec Edouard Caspel lui-même, qui fait un featuring. Il y a les Chiliens d'Infestin Sagittal, un autre projet de Jeff Benesch, Vox Nihilo, avec rien moins que le chanteur de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux, donc un peu tout le gratin des musiques de traverse. Je pense notamment à Palo Alto, Philippe Pérudin, qui a pas mal contribué à cette compilation en compagnie de monsieur Barberi aux côtés de Jeff Benesch. Et pour ne citer encore que La Cuisine, le groupe de Nantes, de monsieur Karim Gabou, qui renaît aussi un peu de ses cendres à l'occasion de cette compilation Escape, A Collection of Songs Straight Out the Asylum. Voilà, je mettrai des liens pour écouter ça sur internet à partir du blog de l'Asile, l'asile35.blogspot.fr. On va continuer avec une musique électroacoustique qui n'a rien à voir. Il s'agit du circuit électroacoustique Ensemble, qui fait partie d'une série de disques sous le titre Circuit, produit par l'excellent label de jazz contemporain et musique free européenne FMR Records, label anglo-saxon qui s'est défendu déjà d'une petite demi-douzaine de disques sous ce projet Circuit. Ça avait commencé par Epiphanie, dans lequel on retrouvait le saxophoniste Paul Denman en compagnie de différents musiciens, et surtout un mélange entre acoustique et électronique, ce qui est un peu le propos de cette très belle série du label FMR. Alors c'est plutôt l'improvisation un peu à l'anglais, et on y retrouve dans le disque qu'on va écouter tout de suite également Paul Denmal, cette fois-ci plutôt à la flûte mélangée à l'électronique, en compagnie d'un percussionniste également électroacousticien Trevor Taylor et d'un guitariste électrique et électronicien Philippe groupe Gyps, deux musiciens absolument pas connus en ce qui me concerne. Et Paul Dunmal joue aussi d'un électronique wind instrument, donc un genre de sax midifié qui est plutôt pas mal. Et le disque est vraiment réussi de bout en bout. Je propose d'écouter la pièce qui démarre cet excellent disque éponyme du Circuit Électro-Acoustique Ensemble. Thank you. Thank you. Et voilà comment se faire surprendre par la fin d'un morceau. On a démarré cette séquence de l'Asile au plus sûr avec le circuit électroacoustique Ensemble et son disque éponyme. Alors je vais peut-être chausser mes lunettes, ce sera peut-être pas plus saillant, mais ce sera un petit peu plus facile pour lire mes petites notes. Donc voilà, nous y sommes. Donc le circuit électroacoustique Ensemble est dans lequel on retrouve Paul Denmal, saxophoniste assez émérite de la scène impro anglaise et qui joue aussi d'ailleurs parfois des cornemuses et de l'électronique comme sur ce disque qui est assez réussi en compagnie de deux acolytes totalement inconnus, un guitariste et un percussionniste, et ça fait partie donc de la série Circuit du label FMR, et c'était enchaîné avec la musique de monsieur Ivan Pavlov alias Co, C-O-H, et son tout nouvel opus sous étiquette Imego sous le titre Musique Vol comme musique volume, et c'est assez typique pour monsieur Co, donc une sorte de musique un peu techno minimale ou électroacoustique avec pas mal de fréquences, quelqu'un qui est assez productif, hein. Il y a à peu près un disque à deux disques par an, la plupart aux éditions Imego. Il avait aussi sorti des choses sur Raster Noton, et je crois qu'il y a aussi un disque en préparation qui devrait sortir avant l'été de Ivan Pavlov, qui est d'origine russe bien évidemment et qui vit en Suède depuis le milieu des années 90, et donc qui a repris le patronyme de Co avec une orthographe cyrillique. Voilà pour la musique de monsieur Pavlov. On va continuer avec une séquence de jazz free et la musique de Renku, qui est le projet du saxophoniste alto américain Michael Attias, qui est assez peu connu, en compagnie du contrebassiste John Ebert et de Satoshi Takeishi à la batterie. Et c'est un des meilleurs disques que j'ai entendu depuis pas mal de temps dans le jazz contemporain. Pas complètement free ce disque, mais vraiment très très chouette de bout en bout. Ils avaient déjà sorti un disque sur étiquette Clean Feed qui récidive avec le Live in Greenwich Village, et donc bon, ça a été enregistré à Greenwich Music House à New York en 2014. On va écouter un titre peut-être un petit peu long de Renku, ce sera le morceau Lurch, donc le live de Renku à Greenwich Village dans l'asile le plus sûr. Thank you. Renku, le projet en trio à coussin d'air du saxophoniste Michael Attias avec le contrebassiste John Ebert et le batteur percussionniste Satoshi Takeishi avec ce live in Greenwich Village publié par l'excellente étiquette portugaise Clean Feed Records qui produit toujours des disques assez magiques, je dois dire. Celui-ci l'est tout autant. Voilà, donc une production à suivre de très très près. Voilà, l'émission L'Asile Obscur qui touche quasiment à sa fin. Le temps pour moi de vous rappeler qu'elle est entièrement podcastable, écoutable avec des bonus, des liens, des vidéos à regarder et des textes à lire sur le site asile35.blogspot.fr. Petite annonce concert aussi avant de se quitter. Un concert au Terminus ce dimanche 10 avril. C'est le grand retour de Gianfranco Plombo alias Super Jean François Plomb de Pied Gauche et autres giflures qui produira ses drones mécaniques donc rue de Riaval à Rennes à partir de 19h. Et il y aura aussi Gaël Moisonnier qui produira du synthé modulaire et bruit actif Field Recordings et lui-même est originaire de l'autre bout de la terre, c'est-à-dire Brest. Voilà donc pour le concert au Terminus organisé par les gens du Tapette ce dimanche. Voilà. On se quitte avec un dernier titre et un peu à l'image du démarrage de l'émission. Là encore, un hommage au contrebassiste George Lyle, contrebassiste et improvisateur d'origine écossaise qui vivait à Glasgow, voilà, et qui a cassé sa pipe lui aussi le week-end dernier. Il y a pas mal d'articles autour de ce monsieur sur le site du Wire, thewire.co.uk. Et monsieur Lyle, c'est quelqu'un qui a collaboré avec un peu tout ce qui bougeait dans la scène improvisée anglaise, avec notamment les gens de AMM qui seront au sein du groupe Amalgam, par exemple. Et depuis les années 80, il était très actif sur la scène de Glasgow, notamment aux côtés de George Burt et Raymond MacDonald dans leurs différents orchestres. Il avait commencé sa carrière dans les années 60, fin des années 60. Et c'est un peu un second couteau de la scène improvisée européenne qui disparaît, mais avec un son assez incroyable, un son un peu à la Peter Kowald. Je propose de vous en rendre compte en se quittant avec un disque qu'il avait produit à la rentrée dernière en compagnie du percussionniste Fritz Welch, monsieur George Lyle, et c'est un disque qu'ils avaient enregistré dans la propre salle à manger de monsieur George Lyle, et le son est vraiment sublissime. Je propose de nous quitter avec ce Fortified Echo. Le temps pour moi de vous rappeler que cette émission est réécoutable sur asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/renman, de vous souhaiter une excellente nuit et de vous dire à la semaine prochaine. Thank you. Writers talk about the sweet, sick smell of death. Whereas any junkie can tell you that death has no smell. At the same time, a smell shuts off breath and stops blood. Yeah.

You're a fire. his eyes. Despises her. She's too cool. Cool as sour cream. His dreams are dry. She paralyzes. An ice pick in his spine. She'll find him when his wheelchair's parked on double yellow lines. He takes it, cause he has to, cause he's built like stale spaghetti. Fingers pointing with a machete. So he jumps. Thank you. Come to town.